Depuis mercredi, c'est un festival international du film fantastique un peu particulier qui se déroule cette année, puisque conséquence de la crise sanitaire, il est entièrement en ligne. Ce n'est donc pas de Gérard May que je vous parle aujourd'hui, mais du studio 651 de la Maison de la Radio. Cela ne va pas nous empêcher de parler de Gérard May et du festival avec une question. Un vent nouveau soufflerait-il sur le cinéma fantastique français? Après le boom des années 2000, avec ce qu'on a appelé la French frayeur, ne serait-on pas en train de voir éclore une nouvelle génération de réalisatrices et de réalisateurs de films de genre? Moins horreur, plus auteur, moins brutal, plus cérébral. Gérard May 2021, la nouvelle French frayeur. C'est le programme Passigore qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et je vous rappelle que le festival de Gérard May, vous pouvez le vivre bien de chez vous en prenant un abonnement qui est valable jusqu'à dimanche pour voir les films que vous souhaitez, compétition hors compétition, nuit spéciale, bref, tout le programme sur le site du festival. On vous met tout de suite un lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Ceci étant dit, et pour interroger cette nouvelle génération spontanée du cinéma fantastique français, un peu comme une sorte de parthénogenèse monstrueuse, mais qu'on aime quand même vraiment bien, j'ai le plaisir de recevoir trois de ses représentants aujourd'hui. Farja, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et scénariste de Revenge, notamment en compétition à Gérard May en 2018. Juste Philippot, bonjour. Bonjour. Réalisateur de La Nuée, qui est en compétition cette année. Et Léo Carman, bonjour. Bonjour. Réalisateur et scénariste de La Dernière Vie de Simon, qui était sélectionné l'an dernier au festival de Gérard May. Vous êtes membre du jury cette année. Mais avant de vous retrouver, de parler de cette nouvelle génération, elle est sélectionnée, elle, tous les jours pour nous livrer de gré ou de force l'actualité scientifique. C'est Natacha Scream Queen Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec l'annonce des laboratoires Pfizer et BioNTech. Leur vaccin contre le Covid serait efficace contre les nouveaux variants britanniques et sud-africains. Oui, c'est l'une des grandes inconnues de cette pandémie. Est-ce que, avec les mutations du SARS-CoV-2, les vaccins vont-ils perdre en efficacité? Alors, dans leur communiqué de presse, Pfizer et BioNTech s'appuient sur une prépublication parue sur le site de BioArchive. Ce travail a été mené par des chercheurs de l'Université du Texas et détail non négligeable d'un chercheur affilié à Pfizer. Ils ont utilisé des échantillons sanguins de 20 personnes déjà vaccinées lors de l'essai clinique de phase 3. Ils ont ensuite recréé en laboratoire trois versions du virus avec les mutations clés présentes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Dans des tests in vitro, les anticorps du plasma des participants ont bien neutralisé tous ces variants. Alors, il y a tout de même une légère résistance du variant sud-africain face aux anticorps, mais pour Pfizer et BioNTech, ces petites différences de neutralisation virale ne vont pas diminuer l'efficacité du vaccin et si besoin, ils peuvent être réactualisés facilement. Il y a tout de même des limites dans cette annonce. Déjà, ce ne sont que des tests in vitro, ce n'est qu'une pré-publication qui n'a pas été validée par les pairs. La surveillance de ces variants reste de mise. En bref, selon une étude parue dans la revue ACS Nano, le cancer de la prostate pourrait être diagnostiqué avec un simple test urinaire. Et pour les hommes, c'est l'un des cancers les plus meurtriers et l'un des plus difficiles à diagnostiquer. Pour éviter les examens pénibles et les biopsies douloureuses, une équipe coréenne a mis au point une nouvelle méthode de dépistage grâce à un test urinaire analysé par une intelligence artificielle. 4 facteurs cancéreux sont mesurés dans ce test. L'algorithme a été entraîné à reconnaître un différent biocapteur. Et sur les 76 échantillons urinaires analysés, l'IA a rendu ses diagnostics avec une précision de près de 100%. Alors selon les auteurs de ce papier, ce procédé pourrait être mis en place prochainement dans les hôpitaux dans les 5 ans. Dans le Journal des Sciences, cette semaine, il a été question d'un phénomène géologique qui élargit l'océan Atlantique, de la découverte d'un système planétaire unique, d'un vaccin contre le cancer de la peau, de la létalité du variant anglais du SARS-CoV-2, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, et en ultra bref. Cette semaine, des chercheurs ont inventé un nouveau moyen de contraception. un gel aphrodisiaque capable de protéger de certaines IST et de prévenir les grossesses. Ce gel fonctionne avec trois ingrédients tous déjà approuvés, le Gocipol, un spermicide, le tenofovir, un antiviral, et la nitroglycérine aux vertus érectiles. Sur des rats, ce gel contraceptif trifonctionnel s'est montré d'une grande efficacité. Cette semaine, dans Science Advances, on découvre que la pleine lune change bien notre façon de dormir. C'est ce qu'a révélé des moniteurs d'activité nocturne accrochés aux poignets de 500 dormeurs. Que ce soit dans des environnements ruraux ou urbains, le rayonnement de la lune influence notre sommeil. Le soir de pleine lune, nous avons tendance à dormir plus tard et moins longtemps. Et enfin, lorsque nous parlons avec les mains, cela influence ce que les autres entendent. Des chercheurs néerlandais ont montré que la gestuelle des mains favorise la reconnaissance sonore. Les mouvements des mains s'alignent généralement sur des mots ou sur des syllabes importantes dans le discours. Selon les chercheurs, ce tempo de la gestuelle est un processus clé de la communication en face à face. Voilà, dans quelques minutes, on va retrouver trois réalisatrices et réalisateurs de ce nouveau cinéma fantastique français. Mais avant cela, on fait un crochet par le journal de la SF. Et on commence ce journal de la SF avec une étude parue dans la revue Nature. Une intelligence artificielle peut désormais vous vaincre à un jeu, même si elle n'en connaît pas les règles. Et en 2015, AlphaGo, l'IA de Google DeepMind, a fait date en remportant une partie de jeu de Go contre un joueur professionnel. DeepMind va encore un peu plus loin. Ses chercheurs présentent MuZero, une intelligence artificielle experte en jeux de stratégie sans aucune connaissance en amont de la dynamique du jeu. Les chercheurs ont testé MuZero avec plusieurs jeux vidéo, Pac-Man, mais aussi le jeu d'échecs, le Shogi et le jeu de Go. L'IA surpasse AlphaZero. Pour ses performances surhumaines, DeepMind s'est basé sur une approche qu'on appelle la recherche par anticipation. La stratégie du jeu de cette IA, c'est d'étudier la position actuelle dans laquelle elle se trouve, de réfléchir à la meilleure action à entreprendre, puis d'évaluer la réussite de sa dernière action. C'est ce qui lui permet de s'adapter à un environnement qu'elle ne connaît pas et d'anticiper les règles. Et c'est ce que font les humains tous les jours, être capable de s'adapter sans règles préétablies. Alors selon les auteurs de cette étude, une telle avancée en matière d'intelligence artificielle pourrait avoir de nombreuses implications dans divers domaines scientifiques. En bref, Black Mirror, bonjour. Selon l'Office américain des brevets et des marques, Microsoft a déposé le brevet d'un chatbot qui est capable d'imiter une conversation avec un proche décédé. Oui, c'est exactement le pitch d'un épisode de la série dystopique Black Mirror, voilà. Le brevet déposé par Microsoft décrit une méthode pour créer un chatbot, c'est les simulateurs de conversation, calqué sur une personne spécifique, un individu passé ou présent, je cite. Alors, grâce à toutes les données personnelles laissées en ligne, messages vocaux, images, etc., à partir de tout ça, le logiciel reproduirait les mots, le style, la diction et la voix d'une personne. Microsoft indique pouvoir même générer des modèles 2D ou 3D. Alors, je vous rassure, nous n'en sommes pas à la résurrection par voie numérique. Le directeur général des programmes d'intelligence artificielle chez Microsoft a déclaré que le développement de ce service n'était pas à l'ordre du jour. La série Babylon 5 va être remasterisée, Natacha. Oui, cette série télévisée de space opera, diffusée de 1993 à 1998, est un grand classique du genre. Les 110 épisodes de 40 minutes ont été remasterisés, la qualité de l'image a été améliorée, des séquences de films ont été numérisées, l'ensemble de la série sera disponible sur la plateforme de HBO Max. Comme cette année, les aiguilles de l'horloge de l'Apocalypse, la Doomsday Clock, n'ont pas bougé, elles restent au plus proche de minuit. Et l'horloge de l'Apocalypse a été imaginée en 1947, au début de la guerre froide. C'est un compte à rebours métaphorique avant une potentielle catastrophe planétaire. À l'origine, la menace principale, c'était un conflit nucléaire. Depuis, le comité du bulletin of the Atomic Scientists évalue les autres menaces qui pèsent sur l'humanité et avance ou recule cette aiguille chaque année selon les avancées. Expansion des arsenaux nucléaires, pandémie, accélération du changement climatique, prolifération de la désinformation, le comité estime que nous n'avons jamais été aussi proches d'une apocalypse. En 2021, cette horloge affiche la même heure qu'en 2020. Il est précisément minuit et moins 100 secondes. Et on termine comme chaque semaine par la rubrique des sciences improbables. Selon une étude parue dans la revue Evolutionary Psychological Science, la façon dont vous jouez aux Sims peut indiquer si vous avez des traits de psychopathe. Alors ceux qui ont déjà joué aux Sims, ce jeu vidéo de simulation de vie, se sont déjà amusés à noyer leurs Sims au fond d'une piscine. Pas du tout. Des chercheurs canadiens, Des chercheurs canadiens ont d'abord fait passer des tests d'évaluation de traits psychopathiques à 200 participants. Puis ils les ont invités à créer leur avatar et ils ont observé leur partie. Dans le jeu, il était possible d'interagir avec 4 Sims de différentes personnalités, plus ou moins avenantes. Et les chercheurs ont découvert que les interactions entre les personnages éclairent les tendances psychopathiques d'un joueur. Par exemple, ceux qui étaient le moins sympathiques, voire agressifs, avec des Sims gentils. Voilà, quant à moi, je vais tout de suite remettre une échelle au bord de la piscine. Moi, vous savez ce que je faisais? Je les faisais enlever par des extraterrestres pour que les Sims masculins tombent enceints. Je sais pas, est-ce que ça dit de moi quelque chose d'inquiétant à votre avis? Bon, merci beaucoup Natacha. Retournez jouer aux Sims, pas trop tout le week-end. Allez plutôt regarder les films de Gérard Armé, vous allez voir, il y a plein de choses très bien. On vous retrouve lundi pour le Journal des Sciences. Merci Nicolas. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10, vous aurez peut-être reconnu la mélodie de ce qui fut l'un des tout premiers films de la vague que l'on appelle aujourd'hui la French Frayeur, à l'orée des années 2000. La bande originale de Haute Tension d'Alexandre Aja, composée par le très regretté François-Eudes Chanfro. Alexandre Aja, Julien Maury, Alexandre Bustillot, Pascal Laugier, Fabrice Duvels, autant de réalisateurs, tous masculins, soit dit en passant, qui ont livré des films très noirs, très brutaux, souvent très violents, au début des années 2000. Plusieurs d'entre eux sont allés poursuivre leur carrière aux États-Unis, d'autres ont quitté le genre, mais depuis cette génération, le genre en France semblait s'être rendormi, revenu à une sorte d'état léthargique, non pas faute d'auteur ou d'autrice, mais certainement d'un système de production qui ne lui est pas très favorable, on y reviendra. Ce qui fait dire, en tout cas à Alexandre Aja, chaque année on fantasme le retour du fantastique français sans s'en donner les moyens. Mais il semblerait que depuis quelques mois, peut-être un an ou deux, quelque chose frémisse dans les ténèbres des salles obscures après l'impulsion lancée par Grave de Julia Ducournau, l'heure du retour de la revanche de la French Frayeur a-t-elle sonné? On en parle avec 3 réalisatrices et réalisateurs qui ont tous fait un crochet par le festival de Gérard Armé. Coralie Farja, réalisatrice et scénariste de Revenge, Juste Philippot qui est réalisateur de La Nuée, et Léo Carman, réalisateur et scénariste de La Dernière Vie de Simon. Pour commencer, Coralie, est-ce que c'est important ou inutile, selon vous, ce label ou cet effet de groupe, de dire qu'il y a une sorte de nouvelle génération qui est en train d'émerger? Non, je pense que c'est très utile parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est toujours un genre qui a eu du mal et qui a encore du mal à se pérenniser et à être considéré un petit peu comme les autres formes de cinéma et à prendre ses marques dans les salles notamment. Et je pense que tout ce qui permet effectivement de collectiviser un petit peu cette tendance, ce regard et finalement d'analyser ce qu'elle dit un petit peu de cette génération de cinéastes qui arrive, moi, me semble importante et faire du bien au genre. Léo Carman ? Moi, ce que je trouve vraiment important, surtout, c'est de souligner le fait qu'on a envie d'histoires différentes. C'est-à-dire que je suis toujours un peu étonné quand on parle de cinéma de genre, justement, parce que quand on dit cinéma de genre, on dit finalement du cinéma qui n'est pas de la comédie dramatique ou de la comédie tout court. J'ai envie de dire, en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, on dit cinéma de genre, on pense cinéma d'horreur. Or, le genre, en fait, c'est juste peut-être d'autres formes d'histoire que s'autorisent beaucoup d'autres pays que le nôtre. Je me rappelle que quand on voulait monter La Dernière Vie de Simon, on nous disait le scénario est super, on l'aurait fait si le réalisateur était coréen. On a quand même sorti ce genre de choses. Donc en fait, ce qui est enthousiasmant, c'est que toute une génération de scénaristes, toute une génération de réalisateurs et réalisatrices ont envie de raconter des histoires avec des formes différentes. Non, on pourrait parler peut-être de cinéma de l'imaginaire, de cinéma fantastique, comme on le fait pour la littérature. Juste Philippot, quelle est votre impression sur cette notion ou cette idée qu'il y aurait une nouvelle génération, en tout cas un groupe, le pouvoir peut-être du collectif face à des tentatives individuelles? Je sais pas trop. C'est vrai que renouveau, je trouve que c'est toujours un terme très, très, très grandiloquent. Galvaudé, ça fait plaisir de faire partie du renouveau, même si j'ai l'impression que ça correspond, je sais pas. En tout cas, je me sens pas être dans un renouveau. Je crois que je rejoins Léo et Coralie. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui se crée depuis un moment avec ces séries, avec ces plateformes, avec peut-être une nouvelle façon aussi, je dirais vulgairement, de consommer de l'image. Et je crois que tout l'intérêt qu'on a à l'heure actuelle, c'est de s'engouffrer dans une brèche où cette envie-là, il faut la transposer au cinéma et garder le pouvoir de l'histoire pour donner envie, tout simplement. Je pense aussi que c'est une question générationnelle, c'est-à-dire qu'on a tous grandi avec les mêmes films, des films qui n'étaient pas que français, et que je pense que maintenant on arrive tous à des postes soit de décideurs financiers ou soit juste d'artistes à qui on donne des responsabilités. On arrive à des postes où on nous permet de raconter les histoires qu'on a envie de raconter. Mais je sais que j'ai grandi avec le cinéma américain et que je ne m'en cache pas et que je me sens français de culture, mais influencé par la culture américaine. Et j'espère qu'aujourd'hui ce n'est plus un gros mot. Et ça se voit d'ailleurs. Dans votre cinéma, on en reparlera certainement tout à l'heure. Peut-être un mot, Coralie Farja, sur... On voit bien que dans la French frayeur des années 2000, il y avait tout de même une certaine forme, une sorte d'unité de ton. Je parlais de brutalité. Aujourd'hui, on voit apparaître dans vos trois films, par exemple, qui sont très différents, et on pourra citer éventuellement d'autres films et d'autres autrices ou d'autres auteurs, quelque chose de finalement de beaucoup plus divers, de beaucoup plus éclectique, de peut-être un peu plus riche aussi dans la proposition, dans la diversité des propositions qui sont faites en termes de cinéma. En effet, ce que je trouve intéressant en tous les cas, dans la génération que vous avez un petit peu citée, des films qui sont arrivés il y a 2 ans et qui continuent à arriver, c'est en effet les registres très différents et très uniques dans lesquels chacun de ces films s'inscrit, qui sont en effet vraiment une réappropriation, je pense, par chacun du cinéma qu'il a envie de faire et d'un propos assez fort, et qui réutilise des codes, effectivement, qui sont très forts liés au film de genre, mais en les interprétant vraiment avec son regard de cinéaste et sa sensibilité et sa manière, en effet, de vouloir raconter une histoire ou transmettre une émotion. Quand je vois le film de Léo, qui est effectivement plus dans un imaginaire fantastique, que ce soit mon film, qui est pour le coup, beaucoup plus sanglant, brutal, frontal, ou le film de Juste, qui est un fantastique presque de thriller, ou d'autres propositions encore qui sont arrivées ou qui arrivent. Je pense à Jumbo de Zoé Witok ou Teddy des frères Boukherma. On voit la variété et la richesse de ces propositions qui réinventent leur carcan, en fait, qui réinventent la proposition de genre. Et je pense que c'est ça qui est un petit peu de spécifique dans tous ces films qui sont en train d'arriver et qui vont parler aussi un peu de renouveau. C'est qu'on sent des pattes d'auteurs très fortes et qui permettent à ces films de trouver leur place propre. Donc moi, c'est ça que je trouve très excitant dans ces propositions, et j'espère et je pense que c'est ça qui va permettre à cette vague de durer, en fait, et à d'autres encore d'arriver, j'espère. Peut-être une question, vous avez tous, pour les films pour lesquels vous êtes ici, des histoires évidemment singulières de développement, plus ou moins faciles selon les films. Est-ce que vous avez le sentiment que cet effet collectif qui est en train d'apparaître, qui pourrait être tiré par la locomotive, qui a pu être grave, et on y reviendra, ça peut simplifier vos rapports au financement, aux producteurs, aux décideurs, aux diffuseurs, Léo Carman ? En fait, on n'en a aucune idée, parce que là, on vit un autre truc qui est qu'on ne sait absolument pas ce que va devenir le monde du cinéma dans les prochains mois. C'est-à-dire que ce que je constate, en tous les cas, à mon niveau depuis la sortie de La dernière vie de Simon, c'est qu'il y a une appétence pour l'idée de raconter des histoires magiques. En tous les cas, je sais que La dernière vie de Simon s'inscrivait dans une envie, on l'avait avec Sabrina Beccarin, la co-scénariste du film, envie de faire un film qui soit, entre guillemets, de genre, mais orienté vraiment grand public. C'est-à-dire que renouer avec du cinéma populaire et de dire que le cinéma populaire, on peut en faire sans faire forcément de la comédie, quoi. Faire des histoires qui font rêver avant tout. Et on a l'impression, depuis la sortie du film, effectivement, qu'il y a une appétence pour raconter ce genre d'histoire aujourd'hui. Notamment avec l'arrivée de nouvelles plateformes qui en ont envie aussi. Mais après, le cinéma à proprement parler, je n'ai aucune idée de ce qui va être demandé dans les prochains mois, quoi. Juste Philippot. Moi, je sais pas, pour étayer un peu, moi j'ai l'impression qu'on se réveille enfin un petit peu. Enfin, disons qu'il y a une envie de sauver les meubles quelque part. Avant cette pandémie, il y avait déjà une envie d'aller chercher un public jeune, parce qu'on le voit dans les cinémas à réessai. c'est un public qui est fidèle mais qui se renouvelle pas trop, et je crois que on le voit de plus en plus. Enfin, on a envie de faire vivre ces salles, de faire vivre ces films, et aujourd'hui il y a une génération de réalisateurs ou de réalisatrices qui a envie de garder ce contact, enfin qui a envie de générosité, de dialogue, de spectacle, enfin qui a envie de retrouver un peu de, allez, vulgairement, un peu de joie et de bonne humeur dans des salles de cinéma qui sont ouvertes, mais peut-être pas encore assez. Mais pour avoir, enfin, j'ai constaté en tous les cas quand je vais faire quelques avant-premières du film dans les cinémas, c'est que c'est vrai, en fait, c'est une réalité, même si on a envie de s'aveugler de ça, mais c'est une réalité que une grosse majorité du public qui va en salle aujourd'hui, c'est du public de plus de 50 ans. Et nous, quand on voulait monter La Dernière Vie de Simon, on nous disait, les jeunes ne vont plus au cinéma. On disait, mais c'est terrible, ils vont plus au cinéma, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien pour eux. Alors, on va dans quel sens? Est-ce que on dit, parce qu'il n'y a rien pour eux, les jeunes ne vont pas au cinéma, ou parce que les jeunes ne vont pas au cinéma, on ne fait rien pour eux? Moi, je pense qu'on est responsable de ce qu'on donne à voir, et que s'il y aura des choses pour eux, ils y retourneront. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes iront toujours plus voir une licence américaine qu'une tentative de genre française. Ce qu'il faut, c'est multiplier les tentatives de genre, qu'elles soient de qualité, pour refaire un contrat de confiance avec le public, je pense. Coralie Farja, vous vouliez réagir? En tous les cas, la facilité ou non par rapport à l'industrie, en fait, de monter ses projets et l'impact que d'autres projets se fassent. Moi, je crois vraiment à cet effet de locomotive qu'ont pu être des succès, parce que c'est vrai que c'est un métier qui reste malgré tout assez conservateur, et que ce soit les producteurs, les distributeurs, les exploitants, tout le monde va vouloir refaire ce qui a marché, oui, ce qu'on connaît, ce qui existe. Et c'est vrai que le désert du film de genre pendant des années a rendu la naissance de nouveaux projets extrêmement difficile, puisque c'était plus dans les habitudes de personnes de se confronter un peu à ces univers. Et surtout, il y avait eu beaucoup d'échecs. Donc c'est vrai que c'était très, très compliqué. Et je sais, ne serait-ce qu'à mon niveau, mon film est venu un an après Grave. Donc, qui est déjà eu, en fait, Grave, qui avait permis aux esprits déjà un petit peu de se modifier. C'était tout bête, mais c'est juste pouvoir donner une référence d'un film qui s'est déjà fait, qui a rencontré un succès, permet à tout le monde de se sentir plus à l'aise avec quelque chose qui redevient un petit peu un terrain connu, ce qui n'était plus le cas pendant longtemps depuis les French Frayeurs. Et je pense que Revenge a généré, pareil, à nouveau une familiarité de l'industrie par rapport à un film qui a été remarqué. Je pense que ça a été aussi le cas du film de Juste et de Léo, et je crois vraiment que chaque tentative qui se fait et qui réussit et qui est vue, qui est reconnue, est vraiment une aide pour refamiliariser le métier avec ce cinéma-là qui en effet a été complètement déserté pendant longtemps. Il y a ce paradoxe qui est que, effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, Léo Carman, que ce cinéma de genre d'auteur ne rencontre pas un public démesuré en salle, relativement peu, alors que par ailleurs on voit que aujourd'hui ce qui est produit sur les plateformes est quand même essentiellement de l'imaginaire, du fantastique, de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on est noyé finalement sous des immenses franchises qui sont abondées à coups de millions et de dizaines de millions, voire de centaines de millions de dollars, et donc dans un imaginaire qui est totalement un imaginaire fantastique. Et pour autant, on voit bien que le succès de vos films, c'est un succès qui se fait en général sur le tard, sur la VOD. C'est un succès d'estime qui va en grandissant, mais qui ne rencontre pas immédiatement son public. Alors, juste Philippot, je vous parle, puisque vous étiez censé sortir le 4 novembre. On sait que le 4 novembre, c'était en plein confinement, donc pour le moment. Vous avez une idée d'ailleurs de la sortie de la nuée? Pas encore. Non. Léo Carman, à ce propos, justement, sur cette espèce un peu de dichotomie entre l'absence de public et en même temps cet imaginaire fantastique absolument généralisé par les grosses franchises. C'est-à-dire que là, vous avez eu, par exemple, vous avez utilisé l'expression film d'auteur. Alors, déjà, moi, cette expression-là, je pense, fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que pour moi, j'entends film d'auteur, je me dis film chiant. Et en fait, ce qui est dommage, parce que en fait, ça veut dire quoi, film d'auteur? Je pense qu'on en revient aussi beaucoup aujourd'hui. En tout cas, c'est quelque chose contre lequel je me bats, cette notion d'auteur, hein, parce que un film, c'est une aventure collective. Et je pense aussi qu'on est une nouvelle génération à promouvoir, enfin qui aiment promouvoir l'idée collective du cinéma. Et d'ailleurs, juste, tu n'en as pas écrit le scénario. Hein, exactement. Et je ne sais plus qui a écrit le scénario. D'ailleurs. Jérôme Genevray et Franck Victor. Voilà. Et alors, je sais que toi, Coralie, tu as écrit et réalisé, mais ce que je trouve en fait important, c'est qu'on arrête de valoriser le cinéaste et qu'on commence à valoriser les histoires et les propositions. Et je pense que déjà comme ça, on touchera beaucoup plus de monde parce que je pense que film d'auteur. Non, mais bien sûr, mais vous entendez bien que quand on dit film d'auteur, alors j'entends tout à fait ce que vous dites et ce qui résonne quand on parle de film d'auteur, mais c'est pour le mettre en face de ce qu'on appellerait des grosses machines, des franchises, des films qui sont des films de production, c'est-à-dire avec une moindre plus-value artistique, si on peut le dire comme ça, même si c'est un peu maladroit, non? Mais je pense qu'il y a des grosses productions qui ont une énorme plus-value artistique. Bien sûr. Et je pense que c'est celle-ci qui gagne, qui finalement gagne à la fin, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense qu'on peut faire des choses considérer. En fait, ça veut dire quoi, film d'auteur? Ça veut dire film avec un propos. Moi, je pense que j'aime bien l'idée de faire des films avec un propos et je n'aime pas l'idée de faire des films d'auteur. Et c'est, je pense, comme ça qu'on arrivera à regagner du public. Voilà. Coralie Farge, à votre avis sur cette question? Alors, effectivement, je pense que le rapport aux plateformes, un petit peu dans le timing de la renaissance de ce cinéma de genre, pour moi, est pas du tout anodine, puisque je pense vraiment que ça a été l'arrivée en France des plateformes, notamment Netflix, qui est en effet très à l'aise à concevoir des programmes pour un public jeune dans des univers qui sont complètement du fantastique, de l'imaginaire, et en effet pas trop rattaché à un film d'auteur au sens classique français. Je pense que ça a vraiment permis d'élargir un petit peu les habitudes et surtout de voir l'engouement en fait qu'il y a eu pour ces programmes. Je pense par exemple à Stranger Things à l'époque. Je pense à vraiment démocratiser en fait cet accès au genre qui sinon en France était quasiment inexistant. Et du coup, ça pour moi était vraiment, je pense, une première brèche en termes de jeunes producteurs qui commençaient à s'habituer à travailler pour les plateformes ou à peut-être réfléchir de travailler pour les plateformes, de voir le succès de ces programmes et de sentir aussi qu'il y avait une forme de demande qui arrivait et un public qui était là pour ça. Donc j'ai l'impression que effectivement, c'est vrai qu'on est en ce moment en pleine mutation, assez à la fois inquiétante pour l'avenir du cinéma, mais en tout cas sur l'arrivée de nouveaux acteurs, qui peuvent avoir leurs défauts, leurs contraintes, mais je pense à revivifier un petit peu les différentes propositions et un peu d'escléroser. Le cinéma français dans ce qui peut parfois avoir de très codé dans une direction un petit peu qui peut être parfois unique. Donc là-dessus, je pense que oui, c'est cette habitude-là clairement qui est venue d'outre-Atlantique a facilité la naissance de ces voix qui, comme le disait Léo au début, on vient d'une génération qui en grandit avec aussi un certain genre de cinéma américain ou sud-coréen, puisque le genre n'est pas réservé aux Américains, et qui est arrivé au moment où il y a un peu une conjonction de gens d'une même génération qui sont arrivés à faire des films en même temps. Je suis Lippo. Ouais, non, je rebondis juste sur un truc par rapport à Coralie. Il y a ce monde du court-métrage aussi, enfin, qui, je pense, est hyper important. Moi, je viens de là, enfin, ouais. On vient tous de là. Ouais. Ça a été un endroit super pour essayer des choses. Il y a plein de producteurs qui sont sur des projets débordants de propositions avec des nouveaux réalisateurs et des nouvelles réalisatrices. Donc, je crois aussi qu'il faut absolument préserver ce cœur-là qui, tout d'un coup, aujourd'hui, commence à créer des émules parce que il y a plein de façons de faire des films. En bien ou en pas bien, en tout cas ça donne un accès et je crois qu'aujourd'hui peut-être qu'on bénéficie enfin aussi de cette multiplication. le monde du court-métrage est un monde un peu en danger comme tous les autres. Et je crois que voilà, il y a quelque chose aussi de nouveau qui se crée et qui était très connecté avec le public, parce que il y a un truc aussi d'aller chercher le public. Moi, je sais que Léo a fait une grande tournée avec son film, il a fait beaucoup de festivals, il est allé chercher le public. Enfin, et je crois que ça aussi, ça se sent et ça se ressent sur la qualité d'un film, sa diffusion et son accès avec tout le public, c'est d'être un peu généreux. Et le milieu du court-métrage qu'il faut évidemment préserver, dont on sait que c'est aussi un milieu difficile pour les auteurs, les autrices, mais aussi pour les producteurs qui se battent pour faire vivre ces films. On sait que c'est vraiment du travail d'arrache-pied et c'est effectivement juste de le souligner. Peut-être un mot quand même sur la question de ce point de départ, puisqu'on l'évoque depuis le début. On va en écouter un extrait. Conscrits, vous avez intégré notre grande école, les anciens vous en félicitent. Vos professeurs feront de vous l'élite des médecins vétérinaires et vos anciens vous aideront à devenir une famille pour la vie. Mais d'abord, vous allez devoir apprendre. Apprendre à être unis, apprendre à obéir, apprendre à être de bons bisous. Bisous, à partir de ce moment, vous ne vous adresserez à vos anciens qu'en ces termes. Vétéran ou vénérable. On répète après moi. Vétéran. Vétéran. Oh. Vétéran. Vétéran. Ça c'est bon. Et vénérable. Vénérable. Ils sont bien gentils cette année, hein. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Ils vous guideront dans votre période d'intégration qui s'achèvera lorsque vous entendrez ceci. Ah non, mec. Lorsque vous entendrez... Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous cesserez d'être des bisous, pas avant. En attendant, vos anciens comptent sur vous. Rendez-les fiers et ils vous montreront la voie. Veto ! Voilà, extrait de Grave de Julia Ducournau. Coralie Farja, selon vous, puisque c'est un peu le point de départ, comment expliquer que ce soit ce film qui ait fait locomotive? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, ce film-là fonctionne et remarqué à ce succès critique, plus que public encore une fois, mais néanmoins devient cette espèce d'effet d'entraînement pour tous les autres films que l'on pourra citer, dont les vôtres derrière? J'ai l'impression que ce qui a, à mon avis, a vraiment joué, c'est que ça a été la réappropriation des codes du genre dans un univers vraiment français et spécifiquement, en effet, un peu plus lié à la forme du film d'auteur, comme le reste du cinéma français voilà, peut y être habitué. Et qui du coup a permis un petit peu d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois en effet un succès critique de festival, Cannes spécifiquement, donc voilà, qui est un festival assez pointu, et qui a permis surtout au film d'avoir ce succès à l'international, d'avoir été remarqué et d'avoir effectivement eu aussi une carrière en festival assez forte. Donc je pense que ça a été un peu ce mélange-là qui a permis en effet de se dire « Ok, le cinéma de genre, c'est pas forcément que de l'horreur ou que des French frayeurs, mais ça peut être un syncrétisme entre plein d'univers différents et ça peut être un point de vue très fort d'un auteur en particulier. J'ai l'impression qu'en tous les cas, c'est ça qui a été spécifiquement remarqué et salué dans ce film. Et d'une autrice qui plus est, par ailleurs. Léo Carman. Oui, en plus, oui. Effectivement, oui, pardon. Effectivement, venant d'une... c'est vrai que ces films-là, historiquement parlant, ont été quasiment faits par des réalisateurs. Ouais, donc, il y a quelque chose aussi de surprenant là-dedans. Léo Carman. En fait, ce que je pense a réussi à trouver Julia Ducournau, c'est ce qu'on cherche tous, je crois, c'est comment faire du genre en France. Et je pense que la bonne manière de faire du genre en France, c'est de trouver la métaphore. En tous les cas, nous, c'est ce qu'on recherche avec Sabrina Beccarin, la co-scénariste de La Dernière Nuit de Simon, et on travaille encore ensemble sur des films aussi qui peuvent être considérés comme du genre. On cherche tout le temps à savoir, derrière le concept fantastique ou le concept de genre, le high concept, disons, qu'est-ce qu'on raconte? Quels sont les personnages qu'on met en scène, pourquoi on les confronte à ce concept, et je crois que c'est là la clé. Je sais que durant toute l'écriture de La Dernière Nuit de Simon, on avait des tas on a supprimé des des tas d'éléments qui relevaient du code de genre américain et qui n'étaient pas incarnés. Par exemple, il y avait des hommes en noir qui recherchaient Simon, il y avait des scientifiques véreux qui voulaient retrouver son pouvoir. Et en fait, à chaque fois, tous ces trucs-là, on les a supprimés au profit d'une histoire d'amour parce que finalement, en fait, la métaphore de l'idée d'un personnage qui peut se transformer, c'était vraiment de parler de la crise identitaire et de s'aimer pour être aimé. Et de revenir à quelle est la métaphore poétique de ce qu'on raconte. Juste Philippot. Ouais, moi ce qui m'a fait beaucoup de bien dans son film à Julia Ducournau, c'est d'abord qu'elle parle très bien d'un univers et Coralie en parle, enfin cette école de vétérinaire avec ses codes, ses jeunes. Et un deuxième truc qui m'a fait un bien fou, c'est un casting que je connais pas. Alors c'est une comédienne que j'ai découvert dans les courts-métrages de Julia Ducournau, mais voilà, tout le reste, c'est que de la surprise, en fait. Et ça, Dieu sait que c'est compliqué dans le cinéma de genre français, ouais. C'est-à-dire d'arriver avec un casting totalement inconnu. C'est un autre des problèmes de production qu'on va évoquer avec vous. On peut lister peut-être un peu, parce que mine de rien, ça fait aussi du bien au moral, Julia Ducournau. Donc vous trois, évidemment, Arnaud Malherbe, qui a signé Ogre, qui était la première bourse de film de genre du CNC, Thibaut Aymin, qui signe Else aussi, les frères Boukerma, qui signe Teddy, qui est en compétition à Gérardmer, Dominique Rocher avec La Nuit a dévoré le monde, Zoé Vitoc avec Jumbo, Nicolas Martin et Simon Rieu le jour où on sera financé, mais ça c'est autre chose. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il commence à y avoir du monde là-dedans et avec là aussi des cinémas très divers, mais avec toujours effectivement un peu cette intentionnalité que pointait Léo Carman tout à l'heure, Coralie Farja. Oui, je pense que c'est en effet. Enfin, moi, je crois que de toute façon, que ce soit genre ou pas genre, ce qui fait la réussite d'un film, c'est sa sincérité et la sincérité de la démarche de ceux qui le portent, que ce soit réalisateur, scénariste ou auteur-réalisateur, si c'est la même personne. Et c'est ce qui permet de donner des films différents, vibrants, vivants. Je sais que par exemple mon film est complètement à l'inverse de Grave dans des codes qui sont pas du tout français, qui en effet vont chercher beaucoup dans le visuel, dans le symbolisme, dans quelque chose de très brut et sans qui n'est pas cérébral. Et c'est sincère, c'est moi ce que j'ai eu envie d'exprimer sur ce film. Et je pense que dans tous les films qu'on a cités, j'ai l'impression que c'est ça qui transparaît, c'est la sincérité d'une démarche, c'est l'envie de transmettre une vision, de transmettre un film de manière unique. Et vraiment, là, je pense que en ça, le film de genre n'est pas différent de n'importe quel autre film. C'est cette sincérité, le côté que ce soit des objets vivants qui vont faire leur succès, qui vont trouver leur public, qui vont être remarqués en festival, même si les succès en salle sont plus confidentiels au début, mais vont permettre aussi à des carrières de s'amorcer et de se pérenniser. Et je pense vraiment, c'est ce qu'on lit, à mon avis, dans toute la liste des films que vous venez de citer. Donc c'est ça que je trouve enthousiasmant. Ouais. Et c'est vrai qu'en image puissante, on n'oubliera pas le duel final à coups de fusil à pompe dans cet appartement couvert de sang, qui font partie des images assez fortes que l'on retient de Revenge. Léo Carman. J'aime bien qu'on parle d'image parce que je pense qu'aussi c'est une volonté de faire de la forme. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi toute une nouvelle génération de cinéastes qui ont envie de faire de la forme sans qu'on nous reproche d'être esthétisant. C'est intéressant ce que je parlais de ça avec un ami étalonneur qui me disait ce que j'entends le plus dans la salle d'étalonnage. C'est ah là là, c'est trop esthétisant. Et je trouve ça triste en fait. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? À partir du moment où on fait de la forme, où on veut faire des belles images pour raconter des choses sensées en images, on nous dit qu'on est trop esthétisant. Non, je pense que c'est très intéressant qu'il y ait toute une nouvelle génération qui a envie d'utiliser le cinéma dans tous ses médiums. On va parler de chacun de vos films un peu de manière individuelle. On commence avec vous, juste Philippot. Gaston, t'es sur le coup, là? Ouh, elle-même. Je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour les 40 kilos. T'as vendu combien? Parce que je voulais. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Moi, je peux pas travailler avec des quantités comme ça. C'est crazy business. Bientôt, il y aura plus à bouffer. Vous êtes trop cons pour vous en apercevoir. Ça va? Quoi? T'as pas l'air bien, là. Voilà, extrait de la bande-annonce de La Nuée. Alors évidemment, à la radio, il manque un peu de visuel pour parler de cette histoire de ferme de sauterelles qui va progressivement basculer dans l'horreur. Juste, Philippot, on pourrait dire, et c'est intéressant, votre parcours, que vous êtes en quelque sorte une sorte d'exception qui confirme la règle, parce que pour vous, le parcours a été finalement assez balisé dans votre démarche jusqu'au long métrage, avec ce premier long métrage, le deuxième qui est également financé par la bourse film de genre du CNC. Comment est-ce que vous le regardez? Comment est-ce que vous avez conscience finalement que votre parcours est assez atypique? Ouais, moi j'ai des coups de chance, hein. C'est-à-dire que il y a l'école du court métrage, il y a une faculté d'audiovisuel, enfin j'ai un parcours classique, des petits boulots à côté, et puis de galère en galère, je quitte Paris, j'arrive en Touraine, à Tours, je découvre une nouvelle façon de vivre du cinéma, et notamment au contact de jeunes avec qui je suis intervenant réalisateur. Il y a des choses qui se font, des courts-métrages qui s'écrivent, des projets qui se mettent en place, des aides aussi importantes. Donc je suis un peu repéré par des entités très connues. Et puis un jour, il y a une résidence qui se crée avec Thierry Lounas et les résidences Sofilm de genre. Et je fais un cinquième court-métrage qui s'appelle Acide, court-métrage de genre. Et c'est la première incursion dans le genre, même si j'ai essayé des choses avant. Et à partir de là, il y a quelque chose d'assez fou qui se crée. Thierry Lounas, hein, qu'il faut citer avec... qui est derrière Sofilm, qui est derrière la boîte de production Capricci, qui fait beaucoup pour soutenir le genre avec ses résidences Sofilm. Vous êtes également repéré par Manuel Chiche, qui est un autre acteur important avec la boîte de distribution Jokers, qui est coproductrice, je crois, de La Nuée. Hein. Exactement, c'est ça. Et ce qui est intéressant, du coup, Juste Philippot, c'est que vous le dites, votre rencontre avec le genre, elle est presque fortuite, c'est comme une sorte d'irruption. Vous ne travailliez pas à l'origine un cinéma qui est un cinéma de genre. Non, alors moi j'ai toujours été attiré par les monstres, enfin ou le monstre. Mmh. D'ailleurs, c'est un cours qui a été très important pour moi à la fac et qui a résonné de façon très intime parce que j'ai eu une histoire et une fratrie assez hors norme et souvent cette figure du monstre pouvait être, je dirais, presque visible dans les yeux des gens qui ne comprenaient pas le handicap de mon grand frère. Ouais. Et je crois que j'ai aimé défendre, enfin celui qu'on comprenait pas. Vous avez fait un documentaire d'ailleurs exactement, sur l'histoire de votre grand frère qui est polyhandicapé. L'histoire de ce mystère, de ces 1% de validité qui lui restait et de tout ce qu'il pouvait y avoir dans ces 1%. La Nuée, c'est un film pour lequel, là aussi, c'est assez rare, surtout dans le milieu du genre, pour lequel vous n'êtes pas scénariste. Comment est-ce que ça s'est passé, la rencontre avec ce scénario? Pourquoi avoir voulu, pour un premier long métrage, adapter une histoire qui n'était pas la vôtre? Est-ce que vous avez réfléchi à l'idée d'écrire quelque chose? Comment est-ce que ça s'est passé, ça, Juste Philippot? Alors, bon, je ne peux pas dire que j'ai voulu. On est venu me voir et c'est une proposition que je ne pouvais pas refuser. Voilà, faire un premier film dans ces conditions, ou tenter de faire un premier film dans ces conditions, faut pas le refuser. Enfin, donc c'était un grand plaisir de rencontrer Jérôme Genevray et Franck Victor, qui sont donc les deux scénaristes de La Nuée, au travers de cette rencontre portée par Thierry Lounas et Emmanuel Chiche. Thierry Lounas est venu me voir à Clermont-Ferrand en me disant « t'as l'air d'être un spécialiste du nuage, moi j'ai un nuage d'insectes à te proposer, le scénario est en train d'être écrit, il va être formidable, est-ce que tu voudrais être de la partie ?» Et donc forcément, quand j'ai découvert le scénario et toutes les promesses liées au scénario, j'ai eu envie de faire partie de l'aventure. C'est assez incroyable parce que le film s'est monté très vite et je crois qu'il s'est monté sur une double énergie. D'abord parce que le film proposait finalement un film de genre, enfin avec des vrais codes et surtout avec un vrai fond. Donc il y avait cette forme et ce fond qui se réunissaient. Et puis moi j'avais un parcours qui me permettait de parler des personnages en vrai. Mmh. J'étais pas simplement dans une relecture esthétique, graphique ou n'importe quoi. Enfin j'aimais les personnages parce que j'avais des films qui montraient que je j'aimais être à leur contact. On sent bien, hein, cet intérêt, mais comme dans Acide, pour la famille, pour ce nucléus familial qui va se déchirer une fois qu'il est confronté à cet élément fantastique qui est celui de ces sauterelles qui grandissent et qui sont avides de sang. Un mot, finalement, ça a été assez rapide cette expérience La Nuée pour vous, Juste Philippot? Bah, ça a été rapide, oui. Quand on sait que des fois on peut développer un projet sur 6 ou 7 ans, des fois 10 même, je vois des aides, des attributions, des bourses, et puis je vois des dates dans le générique, je me dis ça fait 10 ans qu'il est sur le film. En clair, moi, c'est 2 ans de travail complète et intensive, mais j'ai pas été fatigué par ce long développement à l'écriture. Il y a eu un mouvement avec Franck et Jérôme, puis mon mouvement à moi sur la fabrication du film. Et tout ça a été finalement très court. On peut vous demander le budget que vous avez eu pour La Nuée? Je crois que c'est un peu plus de 2 millions. 2 millions, ouais. Très bien. Aujourd'hui, du coup, cette étiquette de genre, vous voulez la conserver, vous voulez la travailler. Vous êtes lauréat donc de la deuxième bourse, puisqu'il faut préciser que le CNC a mis en place, d'ailleurs, présidé par Julia Ducournau et Quentin Dupieux, il y a en 2018, donc il y a 3 ans maintenant, une avance sur recette spécifique pour les films de genre dont La Nuée a pu bénéficier. Cette année, c'était à nouveau sur le fantastique. Vous avez également décroché cette cette avance sur recette. Ça veut dire que vous continuez à travailler ce genre. Dans quel sens, en fait, vous avez envie d'aller maintenant, Juste-Philippe? Je crois que je suis porté par des envies, puis par des opportunités. Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent. C'est des contextes qui sont difficiles. Donc, je dirais presque, je me suis pas contraint à faire des choses que j'aimais pas. Ce projet, ça parle de la famille, ça parle de nous. Je crois que c'est très important de jamais oublier ce fond et ce message. Enfin, je peux pas dire de cinéma politique, mais en tout cas d'un cinéma ancré dans une réalité qui pose peut-être des questions sur qui on est et vers quoi on va. Donc c'est rempli d'inquiétudes, de questionnements, enfin plein de choses. Donc je sais pas si cette étiquette film de genre ou pas, je la conçois pas réellement. Je crois que j'ai la chance d'être dans un courant et je continue d'aller le plus loin possible. J'espère, en tous les cas, je suis porté par ça. Vous pouvez nous dire un mot de ce qui se passe pour le prochain film, de ce dont ça parle? Ouais, c'est encore une grande comédie sur des enjeux climatiques et des dérèglements... assez complexe. C'est un nuage de pluie acide. Ah, mais vous adaptez acide en long métrage. Alors, votre court métrage, ouais, vous le faites passer en long. J'écris ce long métrage sur ce sujet, sur cette catastrophe avec une famille qui va tenter de résister. Mais j'aime bien parler de cette violence qui rentre dans la famille et de voir ces familles tout d'un coup fragiles. Et cette fois-ci, c'est vous qui écrivez le scénario. Et je co-écris avec Yacine Badet. Très bien. Léo German? C'est ça que j'ai trouvé hyper beau dans le film de Juste, c'est que ça raconte vraiment la misère agricole et à quel point c'est quand même une parabole poétique sur une femme qui se saigne aux quatre veines pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille alors qu'elle est délaissée absolument par tout le monde, quoi. C'est ça que j'ai trouvé très fort, en tout cas c'est ça que je trouve très intéressant dans l'utilisation du genre que vous en avez fait, en tout cas. Léo German, on reste avec vous et on va parler de La dernière vie de Simon. Maintenant, les secrets. Bon, je commence, mais ça doit rester entre nous, hein. C'est le plus important. J'ai déjà vu maman toute nue. Mais Justin, elle ne le sait pas. À toi, Mad. J'ai pas beaucoup d'amis. En fait, j'en ai pas du tout. Non, mais c'est pas un secret, ça, que t'as pas d'amis. Tout le monde le sait. Faut dire quelque chose d'autre. Sauf si t'as pas de vrai secret. Si j'ai un secret. Bah, vas-y. Dis-le. Sinon, tu peux pas devenir la sœur de Saint-Simon. J'ai entendu papa et maman dire que je passerai pas 20 ans. Et toi? Je sais pas trop. Faut pas que vous ayez peur. Ok. Ce que je vais vous montrer, je vais jamais montrer à personne. C'est quoi? Il faut me promettre qu'après ça, je deviendrai votre frère de sang, même si vous trouvez ça bizarre. On promet. On promet. Jusque dans la musique, on entend le petit clin d'œil, la petite référence Amblin, hein. C'est très Spielbergien, cette musique. Voilà, extrait de La dernière vie de Simon. On est au début du film et le personnage de Simon, encore enfant, montre à cette fratrie, cette sœur et ce frère, qu'il est capable de changer d'apparence. Léo Carman, c'est pas tout à fait la même histoire que juste Philippe Paul. Non, je fais plutôt partie de la catégorie des 9-10 ans. C'est ça. Ouais, c'est ça. Comment, peut-être vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, ce développement avec votre co-scénariste Sabrina Karine, combien de versions, comment est-ce que vous avez réussi finalement à aller au bout et donc à produire ce film malgré les obstacles et malgré les réticences que vous avez rencontrées? Moi j'ai rencontré Sabrina à la sortie de mon école de cinéma, donc il y a 10 ans maintenant. Et on s'est tout de suite plu dans nos ambitions, en tout cas dans les films qu'on voulait faire, et on s'est tout de suite dit s'il faut qu'on fasse du cinéma, il faut que ça ressemble au cinéma qui nous a donné envie de faire du cinéma, quoi. Et on a grandi avec les films de Spielberg, les films de Cameron, les films de Burton, en fait les films qui font rêver, les films disons de ventre, quoi, c'est-à-dire que les films où on passe 2 heures en salle à vivre des tas d'émotions, des émotions de ventre vraiment, les films où on passe par toutes les émotions aussi. D'ailleurs, je comprends pas comment on peut payer 12 € un ticket de cinéma et d'en avoir qu'une, l'émotion. J'aime bien, moi, les films qui mélangent les émotions, tant qu'à faire. Et puis de sortir de la salle et de repasser dans la tête et de se dire, ah, en fait, ce film me raconte ça. En fait, ça me raconte ça de moi, alors que j'ai voyagé pendant 2 heures dans un autre monde, quoi. Mm-hmm. Mais on s'est vite aussi dit que c'était compliqué à faire en France, un film comme ça. Et puis, vous l'avez dit et on vous l'a dit. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'on cherchait encore le sujet. Après, on a trouvé le sujet, qui était un personnage qui pouvait se transformer. On s'est dit, ça, c'est juste plusieurs acteurs qui vont jouer le même rôle, ça va pas coûter trop cher. Bon, après, on a écrit le scénario, ça a un peu changé. Et en fait, on a commencé à faire lire des versions de synopsis, des versions de scénario. Et à chaque fois, on nous disait, non, c'est trop fantastique. On se dit, mais en quoi c'est trop fantastique? C'est l'histoire d'une famille dans une maison bretonne. Il y a pas de sorcière, il y a pas de dragon. En quoi c'est trop fantastique? Et en fait, juste un personnage qui a un pouvoir fantastique, déjà, c'était trop pour la France, quoi. Et surtout, les retours qu'on nous faisait ne ressemblaient pas au film qu'on voulait faire. Mmh. Et donc, on a continué jusqu'à... Alors, on voulait vous faire faire quel film? On nous disait, c'est trop fantastique. On n'avait pas l'impression que le film était trop fantastique. C'était une proposition poétique, plus qu'une proposition fantastique. Et on est arrivé à une version 7 de continuité dialoguée. Et c'est sur cette version qu'on a rencontré Grégoire Debailly, le producteur du film, qui lui n'a pas eu peur, quoi. Il a eu plus envie que peur. Et après, tout le reste de l'aventure, ça a été ça. Ça a été des gens qui ont eu plus envie que peur. Et finalement, le film s'est monté sur un petit mensonge. C'est-à-dire que un distributeur ne nous a pas demandé à quoi allait ressembler visuellement le film. Il n'était que obnubilé par le fait que j'avais 28 ans, ce qui était trop jeune pour faire un film. Et finalement, ce distributeur est allé sur le film. Enfin, il ne nous a pas posé de questions artistiques, on ne lui a pas répondu, du coup. Et le film s'est fait, et quand il a vu le film, il a dit « Ah, il y a un petit côté, il y a un petit côté Spielberg, non ?» Dégoûté. Je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire, enfin, qu'on puisse faire à l'équipe, mais lui, il n'avait pas l'air content. Et il a rendu le film, ce qui arrive très, très rarement dans le milieu. Il a rendu le film, et c'est un autre distributeur, Jour de Fête, qu'il a finalement distribué. Et heureusement qu'ils étaient là, ils sont formidables, parce qu'ils ont pris le film tel qu'il était, et ils l'ont porté. Vous utilisez un mot très important, Léo Carman, c'est celui de peur. Peut-être, Coralie Farjat, un mot aussi, vous avez rencontré ça, des gens qui ont peur, que votre projet effraie et qui disent « Ah non, mais on ne peut pas y aller, on a la trouille ». Ah ben, y a plein de gens qui ont peur. Enfin, c'est un métier voilà, qui est fait autant de gens très courageux et investis que de gens plus... suivistes et qui vont pas forcément prendre de risques. Donc, en effet, en fonction de la teneur de son projet, je pense que le plus important, c'est d'être avec la bonne équipe et d'être avec les personnes qui ont envie de faire le même film, parce que ça change vraiment toute l'histoire et tout le parcours qui vont rendre le film possible ou impossible à faire. Comment on fait, Léo Carman, pour tenir 8 ans, 10 ans, combien de versions en tout de La Dernière Bâtiment? Officiellement 12, officieusement je pense le double. comment on fait pour tenir, pour s'accrocher à ce projet et pas dire bon pff, c'est foutu, je vais faire autre chose, je vais faire un autre film, je vais faire une comédie romantique. Mais on s'est dit ça, que ça voulait on s'est dit mais qu'est-ce qu'on mais en fait parce que c'est vraiment le cinéma qui nous a donné envie d'en faire, donc si on doit faire un film, autant faire un film qui nous ressemble. Et d'ailleurs je pense que La Dernière Vie de Simon, même si on a mis 9 ans, est plus simple à faire en premier film qu'en deuxième. C'est-à-dire que paradoxalement, on a, je pense, en France quand même une vraie appétence pour les premiers films, et que on a un peu le bénéfice du doute. C'est-à-dire qu'on les connaît pas. Peut-être qu'ils vont faire un truc complètement fou, mais on les connaît pas, et il y a beaucoup d'aide pour les premiers films dont on n'a pas forcément bénéficié nous, mais dans tous les cas, mais qui démontrent en tout le cas d'une appétence pour ça. Et je pense que heureusement, je pense que quand on se lance et qu'on veut faire un premier film, je pense qu'on fait un premier film qui nous ressemble, parce que derrière en fait on vous rappelle que pour faire ça. Donc c'est quoi votre budget, le budget d'un investissement? 1,9 million. 1,9 million. 1,9 million. Et ça me fait plaisir que vous ayez cité la musique qui est composée par Erwan Chandon. Mmh. Et ça aussi, ça a été un grand défi de convaincre que bah oui, on peut faire plus d'une heure de musique orchestrale composée à l'image, c'est possible, on en a encore envie. Ouais. Ouais, c'est bien. On va passer à Revenge, ça va défourailler un peu. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, putain? Elle aurait pu nous envoyer un tôle, tous les trois, pour 15 ans. Alors maintenant, vous allez faire ce que je vous dis. On descend pour chasser comme prévu, mais on fait juste un crochet pour nettoyer ce merdier. Et on ramène nos trophées bien gentiment, comme chaque année. On fait rien d'inhabituel qui puisse sembler suspect. Et tout ira bien. Compris. Compris. Thank you. Extrait de Revenge, Coralie Farja. Revenge, en fait, j'étais en train de me dire, en y réfléchissant, que ça pourrait presque être une sorte de métaphore de votre parcours de production pour réussir à faire ce film. L'histoire même du film, et donc c'est un rape and revenge de cette jeune fille qui va être abusée et qui va aller se venger très violemment de ses abuseurs. Ah mais complètement, je pense que non mais vraiment, pour faire ce film, j'étais exactement dans le même état d'esprit que l'héroïne, c'est-à-dire que j'étais en mode guerrière, enfin vraiment, je le disais souvent à l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait défoncer les portes fermées et il fallait revenir à la charge et essayer de convaincre en effet de faire un film qui était supposément impossible à faire en France. Et je pense que ce qui compte en effet spécifiquement pour ce genre de projet, c'est l'énergie et la foi, vraiment, parce que je pense qu'il s'agit de foi de ceux qui les portent et qui font qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui se transmet vis-à-vis des financiers, vis-à-vis des décideurs. Il y a une telle volonté, une telle énergie que même si on a des conditions assez maigres budgétairement pour les faire, il y a un moment donné quand même, oui, on finit par nous donner les clés. Et l'essentiel, ce que disait Léo, c'est de faire le premier film, et que pour le premier film, on a en effet, je pense, une liberté, mais même soi-même en tant que metteur en scène, qu'on n'aura plus jamais après, parce que c'est la première fois qu'on présente quelque chose, et donc on est libéré de toute forme d'attente, de toute forme de ce qu'on a fait avant. On est vraiment au monde, presque, et je trouve que c'est des moments uniques. Et il y avait un réalisateur, je ne sais plus, son nom m'échappe, mais qui disait le premier film se fait dans le sang, au sens métaphorique du terme, parce qu'effectivement, c'est là où on sort ce qu'on a dans les tripes. Mmh. Et bon, c'est vrai que moi, pour mon film, il a été fait dans le sang, à l'image, en plus, concrètement. Mmh. Quoi. Le premier dans le sang, le deuxième dans les larmes, et le troisième dans le miel, je ne sais pas. Quel est le budget de Revenge que vous avez réussi à réunir, sans CNC, hein, Coralie Farja aussi? Ouais. Alors, au final, ça a été 2,2 millions. Et en fait, la spécificité un petit peu du parcours de production du film, c'est qu'au final, on a mélangé les langues de tournage, puisque le film est à moitié en anglais et à moitié en français, majoritairement français, puisqu'il y a 51% de dialogue en français, pour pouvoir réunir les financements. En fait, au début, moi, je voulais faire le film en français, mais on n'a pas réussi à le produire de cette manière-là. Après, je me suis dit, bon, ok, très bien, faisons-le en anglais. Mais on n'a pas réussi non plus parce que c'était un trop petit film par rapport au financement anglais auquel on aurait pu prétendre. Et en fait, ce qui a permis vraiment de pouvoir lancer le film, ça a été cette idée de mélanger les deux langues, puisque le sujet le permettait. Et surtout, il n'y a quand même que 14 minutes de dialogue dans tout le film. Ouais. Donc, c'est pas l'élément premier du film, ce qui nous a permis de finir par monter le film. En un mot, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, la suite pour vous, Coralie Farja, c'est encore du genre? Vous en êtes où du deuxième? En un mot, alors, vraiment. Complètement du genre, du fantastique, qui va rester avec beaucoup de sang malgré tout, et que je fais en anglais cette fois-ci. Léo Carman, la suite, vous sortez du genre? Ça dépend, non. Vraiment, il y en a plusieurs. Il y en a du genre, il y en a du moins genre. Il y a du biopic, il y a du film familial. Il était question de la première femme d'Albert Einstein. Il y a celui-ci, ouais. Ah, mais il y en a plusieurs. C'est pas encore tout à fait. Alors oui, alors ça, c'est l'autre leçon aussi, c'est qu'on va essayer de pas remettre 9 ans à faire un film, donc on va essayer de travailler sur plusieurs en même temps. Bon, en tout cas, vraiment, merci infiniment à tous les trois. Merci Justine Thibault. Bon courage pour la compétition cette année. On croise les doigts pour vous. La Nuée, merci Léo Carman, La Dernière Vie de merci Simon. Merci beaucoup. On a mis un lien pour voir le film qui est disponible sur une plateforme de VOD. Il est sur Canal Plus en ce moment. Coralie Farja également pour Revenge. Gérard May, le festival. Merci à vous. Le festival de Gérard May, c'est en ligne tout le week-end jusqu'à dimanche. Là aussi, on vous met le lien pour pouvoir aller prendre un pass, voir les films, assister aux séances. Vous allez voir, allez-y, foncez. Il y a un programme très, très, très, très alléchant cette année. Et je vais moi-même passer le week-end à aller regarder tous ces films. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Céline Lezen, Noémie Naguette-Saint-Ville, Fran Natacha Trion. Antoine Beauchamp, Alexandre Morales, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guilain Mège à la technique. La semaine prochaine, dans le labo de la méthode scientifique, lundi, ce sera notre émission sur le Covid. Nous parlerons des formes de Covid long. Mardi, nous parlerons des naines brunes. Mercredi, des cancers résistants. Quelles solutions pour les traiter? Vendredi, ce sera une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la semaine. Et roulement de tambour, je lève le suspense. Jeudi, nous aurons la chance, le privilège, et je ne le cache pas, l'excitation de recevoir le plus célèbre vulgarisateur d'astrophysique des temps présents, Neil deGrasse Tyson, sera notre invité spécial. Ne ratez ça pour rien au monde. Ce sera jeudi à 16h. Jusqu'à preuve du contraire, on se retrouve lundi à 16h. Demain, ce sera le camarade Étienne Klein. Excellent week-end pendant le festival de Gérardmer.